Un chrétien, je croyais être, mais j'ignorais du bonheur que Jésus, mon divin maître, vient apporter à mon cœur. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaisse pas, pas à tous. Père céleste, nous sommes devant toi ce matin, ayant foi dans tes promesses, croyant l'évangile en totalité, croyant en ta fidélité, croyant à la parole de Dieu qui demeure éternellement, disposé à recevoir la parole de Christ, elle qui suscite la foi, qui produit la foi. Dieu de grâce, qui sonde le cœur et le rein, rien n'est caché devant toi. Même les projets des humains, même les projets de Satan, son agitation de cette semaine, alors qu'il cherche un accès par tous les moyens, sa porte est fermée au nom de Jésus. Car son jugement a déjà eu lieu. Et il est bouté dehors. Son agitation est vaine. Ses projets sont vains. Son incrédulité tombera. Car Oh, tu es le sauveur parfait. Tu peux secourir les âmes en détresse. Pour remplir le cœur à chauffer. Le Saint-Esprit de vérité. De la puissance d'en haut. Tu es fidèle. Ta parole est infaillible. Tu l'as toujours confirmé. Et aujourd'hui, c'est encore un rendez-vous. Seigneur, tu es fidèle. Et dans ta main, honore la foi. Honore et agrée la foi de ceux qui croient. Croyez d'après la parole. Croyez comme disent les Écritures. Tu veux avoir une foi authentique et véritable? Honore et agrée leur foi. Supplie au nom de Jésus-Christ que tu te disposes à secourir, à venir en aide, à relever chacun Seigneur et à nous bénir comme a prévu ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Nous allons lire la sainte parole de Dieu dans les saintes écritures, évidemment. Nombre chapitre 11. Nombre chapitre 11, nous prenons le verset 16 et 17, et puis nous sautons pour reprendre le verset 23 à 30. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple. Et que tu ne l'apportes pas à toi seul. Verset 23-30. L'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuit. Et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui. Et il le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Mais ils ne continuèrent pas. Il y eut des hommes, l'un appelé Eldad, et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp, et sur lesquels l'esprit reposa. Car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne soient point allés à la tente. Et ils prophétisèrent dans les camps. Amen. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans les camps. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé des prophètes. Et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Et Moïse se retira au camp, lui et les anciens d'Israël. Oya na bango epai na ema na koyanga na pe kikabatelema wana nayo elongo ngai mpe na kutia pe na kusosora nayo wana kukamata ndambo na mulimu ozali dikolo nayo pe na kutia yango na dikolo na bango pe bakomema mukumba na bato nayo elongo ete omema yango yomokoti mulongo atukumbele na misatu yawe alobela kimosa ete loboko na yawe ekomi mukuse sikawa okomona soki monoko na ngai ekozala solo mpona yo to ekozala solo te bongo mose abimaki mpe alobaki bato alobelelaki bato monoko na yawe mpe ye ayanganisaki mibale 70 na kati na mikolo na bato mpe atelemisaki bango pembeni na ema kozingelaka yango na sima Yahweh akitaki kati na lipata pe asololaki na ye pe akamataki ndambo na molimu mozalaki likolo na ye pe achaki yango na likolo na mikolo tukusambo pe wana ezalaki molimu likolo na bango kalaki bobele mwote kwa sakuratamu yosu bali mibale batikalaki na molako kombo na moko ezalaki eladada mpe kombo na o mususu ezalaki medada mpe molimo mozalaki likolo na bango bazalaki kati na bango ba oyo bakomamaki kati na mibali oyo tuku sambo babimaki epai na emate bongo basakolaki nde kati na molako elengi mbangu mpe alobelaki eldada mpe medada bazali kosakola kati na molako Yoshua mwana na Nuni musungi na Mose moko na bato na ye baponami babaki ete kolo na ngai Mose pekisa bango Mose nde alobaki na ye ete ozali koyoka zuba na ntina na ngai malamu soki bato nyonso na Yawe bazali basatu ete Yawe atya molimo na ye na likolo na bango Mose mpe likolo na Isalele bazongaki na molako. 2 Timothée, chapitre 1er. Mukanda yami balé na ba Timothée, mukapo ya yambo. Verset 6 à 8. Mulongo ya moto bakino na mambe. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de ma main. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Zambe apesaki biso molimo na kobanga banga te kasi molimo na nguya mpe na bolingo mpe na komikanga motema boye oyoka soni mpo na kotatwela nkolo na biso te mpe mpo na ngai te mokangami na ye kasi omema ndambo na yo na mpasi mpo na sango malamu mpela moko nzambe akopesaka nguya. Acte des apôtres chapitre 19 bantoma mokapo ya zomi na liboa le verset 1 à 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisé ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Non, et c'est là qu'il y a Apollo na Kolinti. Wana endimaki bino bozwi molimo santo balobi na ye ete kasi toyoki te soki molimo santo azali ye alobi na bango na bongo bozwaki libatisi na Yohana. Paulo alobi ete Yohana abatisaki libatisi na kobongwama na motema mpe alobi na bango ete bondimela ye oyo alingi koya na nsima na ye ye wana Yesu eyoki bango bongo babatisamaki na kombo na nkolo Yesu Kristo. Esili Paulo kotyela bango maboko molimo mosantu ya ye likolo na bango mpe basakolaki na minoko mosusu mpe na bosakoli bongo bato ango nyonso bazalaki soki zomi na mibale. Kadio benisse la lecture de sa parole. Et veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus Christ. Nous souhaitons chacun de vous la bienvenue dans la maison du Seigneur. Plus particulièrement, bienvenue à la table du Seigneur. Où la prédication de l'évangile est donnée. Où le cœur doit croire la parole. Nos cœurs doivent croire d'une fois que Dieu puisse agréer. Par la grâce de Dieu, nous sommes en train de clôturer aujourd'hui, donner la conclusion du grand thème que nous avons développé pendant plusieurs mois, intitulé le baptême du Saint-Esprit. Nous avons développé en deux sujets successifs. Il y avait qu'est-ce que le Saint-Esprit. Et ensuite, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Par la grâce de Dieu, les deux sujets ont été parcourus. Et la conduite nous a amené à terminer le deuxième sujet vendredi. Nous ne puissions que parler de la conclusion du grand thème, le baptême du Saint-Esprit. La conclusion du baptême du Saint-Esprit. Nous n'allons pas revenir avec force et détail sur tout ce que nous avons enseigné. Il ne s'agit pas de présenter une synthèse, mais il s'agit de tirer une conclusion. Ceux qui ont été persévérants, comme les croyants du commencement, qui ont persévéré dans cet enseignement, Dieu les a vus et il sait ce qu'il recherchait en agissant comme cela. Alors, cela aussi, Dieu a vu la marche. Est-ce qu'on ne triche pas avec Dieu? On ne triche pas l'identité chrétienne. Dieu ne nous envoie pas son évangile. Nous puissions les lire et chacun donner ses opinions, ses points de vue à ce sujet. La parole de Dieu est sacrée. Elle est hautement sainte. Elle est la pensée de Dieu exprimée. Livre de géographie, de grammaire de la terre. Chacun peut s'improviser enseignant de grammaire, enseignant de l'anglais, et donner ses opinions au sujet des phrases qu'il lit. Et après, moi je comprends que, moi je vois que. Ça c'est la science des hommes et la théologie des hommes. Nous ne sommes pas libres de donner n'importe quel commandement. Nous sommes censés rechercher ce que Dieu pensait quand il écrivait et ce qu'il nous a dit. La parole de Dieu, ce n'est pas notre pensée que nous exprimons au sujet de ce qui est écrit, mais c'est la pensée que Dieu a exprimée au sujet de ce qu'il a écrit. Plusieurs esprits dénominationnels continuent à fréquenter les enfants de Dieu, même dans les milieux de ce message, et ce comportement est circoncis pour suivre son chemin. Ils n'ont pas la crainte de la parole. Ils prennent la parole comme de la théologie, comme de la théologie. Ils appellent les partages. Et c'est fréquent dans les groupes de prière là-bas. D'ailleurs, les hommes, soi-disant, de plein évangile. Quand ils ont une réunion, parce que j'en ai assisté, on m'avait invité une fois, ils prennent un passage et donnent la parole à chacun, c'est lui qui sent qu'il peut donner un commentaire. Et chacun dit, moi, ce passage, ce que moi je comprends, c'est ceci. Et l'autre s'élève, il dit, dans ce passage, moi je vois ceci. Et, donc, et puis à la fin, ils disent, oh, gloire à Dieu pour ce bon partage. Il prie, la réunion est terminée, ils disent que c'est le Saint-Esprit. Na bongo pona bango muli musatu na ndenge bakiko bondele ko kumisa na nzambe na likita na bango bango so mulongo moko na biblia batangi so li batangi basilisi babali ko pesa lilo bana mutu na mutu na lilo ko to tangi yo yo kinini mutu na mutu lobi pona ngai na moni bo pona na eloko ko loma mutu anga na eloko ko ko loma pona ngai le Saint-Esprit me pousse à dire il dit même le Saint-Esprit akosere na muli musatu. Mais c'est pour donner sa propre opinion. Sa compréhension charnelle et personnelle. C'est comme ça que l'on profane la parole. Et l'on continue à parler du nom du Seigneur. C'est pour ça que Esaïe ait vu et dit, toutes les tables sont pleines de vomissements. Quand nous venons dans son message, Abraham vous dit que la parole, on ne peut pas la lire juste comme un jour. Il dit le sens en est caché. Et vous devez être en connexion avec l'auteur de la parole pour accéder à la pensée qu'il avait lorsqu'il a écrit ce qui a écrit. Et la pensée que Dieu a fait, lorsque le prêtre parvenir, et que tu en saisis l'expression à travers les mots et les phrases, là où il y a que tu as la parole. C'est-à-dire la pensée de Dieu exprimée par la compréhension que j'ai reçue par la grâce. Mais la pensée de Dieu a exprimé. Parce que pour ceux qui ont de la compréhension, tout le monde va prétendre avoir reçu toute la bonne compréhension. Chacun prêche à n'importe quoi. Et c'est mon prêche à n'importe quoi. Et quand vous avez la parole, vous ne serez pas contredisant. Le même Saint-Esprit ne va pas diviser ses enfants. Il va présenter la même pensée. Parce que c'est lui qui sait ce qui était écrit. Alors nous allons poursuivre pour tirer la conclusion de ce terme. Et après, mais nous allons lire quand même Frère Branham. Donc, vous êtes libre de prendre ça comme vous voulez. Exhortation, exhortation, lecture, encouragement, enseignement, je ne sais pas quoi. Selon son niveau et ses réalités. Nous allons lire un peu beaucoup Frère Branham. J'espère que vous aimez ça. Nous avons utilisé des passages bibliques comme toile de fond, de fondement. Et à la fin, nous allons imposer les mains à ceux qui seront disponibles. Et demander à Dieu la grâce de les remplir du Saint-Esprit. Donner l'expérience de repentance selon Dieu et le baptême du Saint-Esprit. Et nous le faisons pour ceux qui sont à jeun depuis 3 jours. Aujourd'hui là, ils sont au 3e jour de leur jeûne prière. Et ils ont déjà été baptisés d'eau au nom de Jésus-Christ. Car en tant que peuple croyant de la parole, nous ne faisons pas les choses pour le faire, mais nous utilisons la parole pour tout. On a la mitouille à mon camp. On a le verset 16 et 17, et puis on a sauté, on a repris le verset 23 jusqu'au verset 30. Nous avons également lu 2 Timothée chapitre 1, le verset 6 à 8. Nous avons également lu 2 Timothée chapitre 1, le verset 6 à 8. Et enfin, nous avons lu Actes chapitre 19, verset 1 à 7. Nous avons lu Actes chapitre 19, verset 1 à 7. Et enfin, nous avons lu Actes chapitre 19, verset 1 à 7. Dans les trois passages bibliques, les trois chapitres, nous avons lu quelques portions de versets. Il est question de l'Esprit de Dieu. Absolument, le Saint-Esprit. Dans les trois là, il est question de l'Esprit de Dieu. Maintenant, au temps de Moïse, il y a une conduite précise que Dieu avait donnée à son prophète Moïse. Il lui a dit de rassembler 70 anciens auprès de lui. Et de les amener à la tente d'assignation. Et Dieu allait descendre et lui parler, lui Moïse. Et après lui avoir parlé, Dieu a promis qu'il allait prendre de l'esprit qui était sur Moïse et le mettre sur les 70 anciens. Des hommes de confiance. Bato oyo, bati la mimo. Que Moïse connaissait personnellement. Oh, Moïse est mokoye baki. Et qui avait autorité sur le peuple. Père, bazar qui ne va conduire colonne libota. Dieu a dit, amène-le à la tente d'assignation. Non pas pour que tu les imposes les mains. Ils allaient te réunir les bangons mabokou. Mais parce que Dieu lui a dit. Ils allaient te ensemble. Alors si toi tu les amènes là, moi je descendrai, je te parlerai. Et après t'avoir parlé, moi-même, je prendrai de mon esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. Il n'était pas demandé à Moïse d'aller imposer les mains aux anciens. Quand Dieu parle, il faut garder exactement ce qu'il a dit. Ce qui Nzambe alobi. Et aller exécuter précisément ce qu'il a dit. Par exemple, lorsque Moïse était au buisson ardent, Dieu lui a parlé du sein du buisson ardent. Dieu a demandé d'ôter ses souliers. Dieu n'avait pas dit ôte ton chapeau. Ni ton par-dessus. Dieu a cité les souliers de ses pieds. Et pour plaire à Dieu, tout ce que Moïse a eu à faire, c'était d'enlever précisément les souliers de ses pieds. Point barre. Tout excès de zèle, Dieu ne l'agréable pas. Faites exactement ce qu'il vous dit de faire. Quand vous mettez à faire autre chose, là, c'est tant pis pour vous. Vous ouvrez la voie au diable, il viendra vous dérouter. Car il aime toujours amener les gens hors de la vérité. Quand il vous amène hors de la pensée de Dieu, il a réussi à vous gagner. Et là, il va vous accéder toutes sortes de coups et de défis. Et ayons à la parole du Seigneur. Quand il dit ôte les souliers, il s'agit de souliers. Ne dis pas Seigneur, moi je t'aime tellement, je trouve que le paradis aussi, pour te plaire aussi. Non. Jésus ordonne de laver les pieds de ses disciples. Il se dispose à le faire. Mais Pierre, par un excès de zèle, se lève. Il dit Seigneur, tu ne me laveras pas les pieds seulement, me lave aussi tout le visage et même tout le corps. Est-ce qu'il a été suivi par le Seigneur dans cette aventure-là? Non. Nabongo. Quand Dieu dit lavage de pieds, c'est lavage de pieds, frère. Là, je ne sais pas quoi que ce soit ce que Dieu a dit. Exactement dans ce qu'il a dit. Et pour vous qui cherchez le Saint-Esprit, vous avez dit dans la prédication le signe. Et c'est le 1963. Le vin allait arriver à s'épuiser. Marie s'est levée parce qu'elle était la mère de Jésus avec un excès de sel. Marie a tellement dit maman Yesu nan collection de l'eau. Oh, maître mais. Le vin est terminé. Est-ce que Jésus l'a suivi dans cette aventure là? Pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble. Qu'est-ce qu'on a à faire ensemble? C'est lui qui a la décision. Venez pas vous présenter comme l'associé du Seigneur. L'associé spécial de Jésus. Le Seigneur réplique. Femme, tu as dit entre toi et moi. Ton heure n'est pas encore venue. Et là, rebrousse ses chemins. Et là, dit ses disciples quoi? Tout ce qu'il vous dit là. Non pas ajouter ce qui vous convient d'ajouter. Vous améliorer la compréhension de ce qui vous dit. Vous faites exactement ce qu'il vous dit de faire. Amen, amen. Sur la montagne des transfigurations. Dans Matthieu chapitre 17. Pour un grand événement qui s'est produit. Car le Seigneur voulait se présenter là comme un prophète, comme Moïse. Il y avait la parole écrite, mais on attendait l'accomplissement. L'Éternel, votre Dieu, suscitera 10 milliers de vous. Un prophète comme moi. Et vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Oh. Quand il fallait que cette promesse soit magnifiée, le Seigneur Jésus les a amenés là-bas à la montagne. Il n'a pas voulu agir sans témoin. Il a pris les trois témoins. Jean, Pierre et Jacques. Et il les a menés sur une très haute montagne. Moïse pour recevoir le commandement du Seigneur. N'est-il pas monté sur une très haute montagne? N'est-ce pas là que Dieu est descendu, qu'il a écrit de ses doigts sur les pierres? N'est-ce pas sur une très haute montagne? En voici un qui vient aussi. Siècle après le départ de Moïse. Et il amène sciemment les trois témoins sur une haute montagne. Et là, sur le regard, il s'est mis à se transmettre. Son visage a commencé à briller plus fort que le soleil. Lorsque Moïse venait de la montagne avec les tables de pied, Il est vivant pour réagir. Le visage du Seigneur a brillé plus que celui de Moïse. Parce que le Seigneur Jésus était le prophète, le Dieu prophète de Moïse. Il était plus grand que Moïse. Béni soit le nom du Seigneur. Son visage a éclaté plus fort. Et alors, les disciples ont vu le prophète Moïse et Élie lui apparaissant. Et s'entretenant avec lui. De quoi parlait-il? La Bible, tu ne verras pas ça. Ils sont venus parler avec lui sur la mission du calvaire à Golgotha. Amen. Ne comprenant malheureusement que Moïse n'a élié n'a nomba oya Golgotha parce que quand il est pour le banan colon a bissé sur Christ n'a dit qu'ambo oya pour les quatre colons a bissé n'a oya pour comme la caille oya sur Christ les deux la Moïse et ils sont des amis par les ouana élié n'a Moïse mais qui s'acquit pour la ils l'ont encouragé père balen dit ça qui dit nous nous avons accompli notre part dit ça te promet ce que t'es nous avons rencontré des combats et tout et t'as pas tellement habitué nous avons fini nos missions sur terre c'est qui ça qui oya bissé pour ça maintenant notre espoir est placé encore et t'es ça c'est bien nickel bissé c'est quoi l'agneau canossé nos sacrifices et nos sacrifices rien de moins n'en passe oya bah c'est quoi l'agneau qui t'a attendu rien de moins n'en passe oya bah c'est quoi l'agneau qui t'a attendu n'a pas oya bissé bah numéro le temps en tout cas tu n'as pas d'autre choix nous allons dans la musique tu n'as qu'à le faire et tous nous serons délivrés rien pour ça les mauvais nos espoirs sont à toi. Pendant qu'on parlait des choses si glorieuses, hier s'est levé avec un excès des ailes. Père, le attendez mes choses, n'avons les samolés. Mais c'est que la commandante dit. Seigneur, Paulo, il est bon. Ils allaient qui tombe. Que nous puissions bâtir ici trois. Ah ouais, tant ton gaban. Et même ça. Il est pour Moïse. Mon copain Moïse. Il est pour Élie. Mon copain Élie. Il est pour toi-même. Mon copain Élie. La dame dit que c'était l'indiscipline de la bouche humaine. Wana prena malubete. Kwa sababu circumstances elva raconte n'importe quoi. Soki munoko na yona na nesembola mi pour construire des organisations. Dit, la discipline d'Ango est intervenue. Et c'est qu'on s'embole à monter dans l'école. Discipline Pierre et son groupe. On a Jacques et Jean, Jacobo dans la nuit, sans redresser un fait. Et Bayoki, quand tu vas s'embole, ils sont devenus les complices de la discipline. Bango, Sangani, Benza, la moutoua, s'embole à mi mal. Alors la discipline est venue d'Ango. La Bango, s'embole à monter dans l'école. Le père a déclaré. Tata, le mini. Celui-ci est mon fils, bien-aimé. Oui, on est moins dans la bonne école. Écoutez-les. Oui, comme elle est née. C'est ce que prévoyait la promesse. Mais il y aura un prophète comme Moïse. Mais toi Pierre, tu figures où pour venir donner ton opinion? Yo pète le macambo ou tu vois. Parce que toi aussi tu proposes. Qui? Yo nani? Où tu vois? Où tu vois? Oya kolo mbilo balo mbilo macambo italiote. Chers amis, respectons la parole du Seigneur. Baninga, tata à défendre les individus de l'idée. Respectons chaque parole de Dieu. Tant que vous ne la gardez pas dans l'original, elle perd sa vie. Craignez la parole du Seigneur. Et ceux qui craignent sa parole, Dieu a les yeux fixés sur eux. Amen. Alors dans Nombre 11, Dieu n'a pas demandé à Moïse d'aller imposer les mains aux anciens. On vous dit, toi tu vas aller imposer les mains, tu vas aller transmettre l'esprit, mon esprit qui attire toi. Et tu la maman connaît, une telle opinion dans la parole. Et ça est diabolique. Et ça y a ma bébé à satanique. Et ça y a Satan. Dieu a dit, je descendais, je te parlerai. Ensuite, je prendrai. C'est à lui seul de le faire. Et je le mettrai sur eux. Pour qu'ils puissent porter le fardeau du peuple avec toi. Et que tu ne portes pas ce fardeau à toi seul. Or, ce que Dieu a fait au temps de Moïse, là, c'est sa manière d'agréer la proposition inspirée du beau-père de Moïse, appelé Jethro. Il a vu Moïse travailler de matin au soir, traiter tous les cas, les petits et les grands, épuisés, du matin au soir. Le peuple ne faisait que défiler, des réceptions qui duraient des journées entières. Na bongo bokilo ne ayati kokuta mose ete akoyamba kabatu banda tongo kino na butu makambo na ya pamba pamba na ya minene na ya mike alemi. Mais il a dit, mais non, habité, c'est pas comme ça. Et ça été, il va t'épuiser. Ou quoi si les autres hein? Si Dieu fait t'agréer. Faut qu'ils aient accouché dans cette épisode de 18. Jethro a dit ça. N'est pas beaucoup qu'il en ait Jethro à l'obatibo. Si Dieu pourrait agréer ça. Faut qu'ils aient accouché dans cette épisode. Toi, choisis des anciens. Yo, Lucas Bampaka. Qui soient des hommes intègres. Batu oye poche la motema. Des ennemis de la cupidité. Choisis des hommes crédibles qui soient ennemis de la cupidité. Oh, ça j'aimerais lire. Hein? Au service de Dieu, il faut faire attention avec l'amour de l'argent. Exode 18. Verset 19-24. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil pour que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps et qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes, qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Amen. Moïse écouta la voix de son beau-père et il fit tout ce qu'il avait dit. Ça, ça y est, yo comme on a connu. Na kopesa yo tolimpe nzambe azala na yo elongo. Yo okotele mana esika na bato liboso na nzambe. Mpe okobimisa makabo na bango epai na nzambe. Kola kisaka bango mipe kompe di kapeni. Mpe bakoyebi sabango nzela ekoki na bango kotambola mpe makambo mabongi na bango kosala. Pona babali na mayele lokola. Nakati na bato onyonso. Babali bakobanga kanzambe bato penza na solo. Bayini na kanyaka. Tia bango boye liboso na bato ete baza na mikonzi na nkoto mpe na mukaba mpe na tukumitano mpe na zomi. Kikabakata makambo na bato tango nyonso. Bakoya na makambo minene nyonso epai na yo. Nde bakokata makambo mike mike bango penza. Boye yango ekozala na yo bozitote. Mpe bango bakomema yango na yo elongo. Soki okosala boye. Mpe sopo nzambe akolaka yo boye. Bongo okokoka na yango. Mpe bato nyonso lokola bakozonga na esika na bango na kimia. Bongo Mose ayokaki monoko na bokilo na ye et asalaki yango nyonso elobaki ye. Amen. Amen. Il fallait que Dieu lui donne des ordres pour accomplir ce bon conseil esprit. Et à nombre 11, ces ordres sont venus. Et Dieu a montré à Moïse comment faire. Pourquoi? Vous ne pouvez pas travailler ensemble à l'œuvre de Dieu si vous n'avez pas le même esprit. Amen. Amen. Il faut au commencement qu'il y ait le même esprit. Parce que Dieu n'agit pas à travers un groupe d'hommes. Dieu choisit ses oubliés. Et il met l'ordre dans la marche. C'est la manière de Dieu et sa souveraineté.